À l'occasion de 1000 jours de la submersion catastrophique du Pakbo Sewol, des activités commémoratives ont eu lieu le 9 janvier partout en Corée du Sud. À Ansan de la province de Gyeonggi, le Conseil des familles 16 avril, la Solidarité 16 avril et la Solidarité des citadins d'Ansan 16 avril ont organisé en commun une commémoration, alors que des habitants ont tenu un rassemblement au port de Pengmo de l'île de Tin de la province du Jeolla du Sud, devant lequel a eu lieu l'accident. Des rendez-vous et commémorations se sont déroulés aussi à Daejeon, Busan et Fengsong de la province du Gangwon de Corée du Sud.